Trois séquences sonores sur l'ensemble de l'allée de la colline. Première séquence, AC1, 8 minutes tentant de restituer le climat sonore de la galerie. Oh, le Walkman maintenant. Ça, c'est toujours toi qui passe sur le vin alors. Ben, moi, je marche. Là, je vais peut-être t'aider. Oui, je vais bien, monsieur, jusqu'à la fin. Je viens à samedi. Je pars.